un bord de mer, villégiature, une fille fière à belle allure. Charme nature, amour dans l'air, un pan de mur, un mur de pierre. Et moi derrière, caché, bien sûr. Le bord de mer, la créature, robe légère, des marches sûres. On veut lui plaire, elle n'en a cure, jolie parterre et devanture. Elle devant, postée, bien sûr. Un clocher vert piquant l'azur, vieille masure, la pluie d'éclairs. Des voies de mer, progéniture, porte cochère, refuge sûr. Nous deux dessous, blottis, bien sûr. Blottis, bien sûr.